Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsée dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Alors, ça roule, ma poule ? Wesh, gros, à la cool. Et pourtant, quelqu'un m'a dit que ma nuit noire n'était pas assez entrée dans l'histoire. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ces paroles n'engagent certainement pas la France entière. Quoi qu'il en soit, je vous demande pardon. Enfin bref, dites-nous plutôt, professeur Mauduit, qui est notre patient aujourd'hui ? Eh bien justement, professeur Colin, ce matin, le dossier Epsilon numéro 32 va nous emmener jusqu'au bout de la nuit. Au bout de la nuit ? Foutre Dieu, mais qui donc est-ce ? Oh non, pitié, pas Eddie Barclay ! Non, pas Eddie Barclay, mais les 10 000 francs, une brique, pour le prix de la mort à crédit. Allez, c'est parti, controversé. Controversé ? Controversé des larmes de crocodile sur les bords du Nil. Ils sont partis, n'en parlons plus, alligator et à travers. Moi, c'est à travers la tronche, oui, que je vais vous l'envoyer. La deuxième brique, attention, nihiliste. Nihiliste ? Nihiliste électoral, un nanar, Bernard Tapie. Voilà, un joli commentaire assez perçant. Mais concentrez-vous un peu, dernière brique, attention, génial. Ah, ok doc, un génial nihiliste controversé et qui nous mène jusqu'au bout de la nuit. Forcément, nous nous intéressons ce matin au sulfureux Louis-Ferdinand Céline. Alors allons-y, professeur Mauduit, étudions le cas de ce formidable dossier. Allez, en route tout le monde, au casse-pipe, et accueillons au labo le redoutable monsieur Céline. Allez, Louis-Ferdinand, à table. Louis-Ferdinand Céline, vous êtes un drôle de personnage. Oui. Vous excitez les passions par vos œuvres, par vos idées, par vos attitudes. Vous dites souvent qu'on vous comprend mal. Ça serait l'occasion de vous faire mieux comprendre. On a dit de vous que vous n'étiez pas courageux. Est-ce que vous avez peur de la mort ? Oh putain, maintenant, voyons, ça serait un soulagement. Il se fout de tout. C'est un nihiliste. Ça doit être épuisant comme activité. Louis-Ferdinand Destouches, dit Céline, écrivain nihiliste et assurément épuisant. Car ce matin, nous sommes à la fois devant un génie littéraire du XXe siècle, au même titre que Marcel Proust. Seulement voilà, problème, c'est que nous sommes également confrontés à l'auteur de textes antisémites les plus sordides. Dossier sensible, dossier complexe. Alors sans plus attendre, débutons notre séance par la première intervention clinique du professeur Mauduit, qui va nous exposer immédiatement ce qui nous chafouine précisément au cœur de la structure mentale de notre patient. Eh bien, voyez-vous, professeur Colin, ce qui me tarabiscote dans notre dossier ce matin, c'est évidemment ce paradoxe que vous évoquiez à l'instant, car on pourrait aisément reprocher au ministère psychique de s'intéresser à ce type dont la plume a gravement dérapé, lorsqu'il écrivit par exemple en 1937 qu'il préférait 12 Hitler à un Blum omnipotent, des mots à vomir. Néanmoins, Céline n'en demeure pas moins un génie de la littérature qu'il est difficile de ne pas apprécier, comme nous le confirme Michel Audiard. Il n'est pas possible de ne pas aimer Céline, il est tout impensable qu'on ne considère pas que Le Voyage est un chef-d'œuvre et Mort à crédit un autre chef-d'œuvre, et puis il y en a d'autres d'ailleurs, parce qu'on parle toujours de ces deux-là, attention. La préface de Guignosband est aussi un chef-d'œuvre, et je ne sais pas, si les gens qui me pensent ça, ça m'échappe totalement, c'est des connards, d'ailleurs, il ne faut pas discuter avec les connards, ça ne sert à rien, on perd son temps. Quelqu'un qui n'aime pas Céline, d'abord Maillasse, je ne veux pas discuter avec lui, alors ça clôt toutes les conversations. Enfin bon, ça clôt la conversation, oui et non. Un mot publié, c'est un acte de la pensée, et l'écrivain est responsable des conséquences de cet acte. Ce sont ici les mots de Vercors à propos des pamphlets antisémites de Céline. Ainsi, nous avons maintenant 53 minutes pour essayer d'établir ensemble un authentique diagnostic afin de savoir si oui ou non les méandres névrotiques de notre prosateur polémique recèlent encore de véritables dangers pour notre société. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais pour te préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien, monte sévèrement le son puisque c'est la panique au ministère psychique. Alors amorçons ensemble l'étude de notre écrivain au style argotique flamboyant par le refrain d'un style urbain éblouissant. Qui goûte au parfum de la rue avec Jackie Brown. L'unique différence, et c'est une différence importante, mais minime quand même, l'unique différence entre moi et un fou, c'est que je ne suis pas fou. Bonjour. Avant tout, le ministère psychique remercie chaleureusement notre éminent confrère, qui pourrait être aussi notre meilleur patient, le vénérable et déjanté professeur Salvador Dali, qui introduit aujourd'hui cette séance du ministère psychique consacrée à l'icône des écrivains controversés, puisque ce matin, nous auscultons le cas de Louis-Ferdinand Céline. Louis-Ferdinand Destouches, qui n'est pas encore Céline, naît à Courbevoie, à la limite de Paris, le 27 mai 1894, c'est-à-dire 4 ans, mois pour mois, avant la naissance au même endroit de la petite Arletty, une enfant de la Gouaille, qui naturellement s'en souvient très bien. Mort à crédit. Il a fallu que je promette de me tenir tout à fait peinard, de plus bombarder les cadrans, de plus obéir aux voyous, de plus quitter ma mère d'un pouce. J'ai juré tout ce qu'on a voulu, d'être sage et même reconnaissant, qu'en revenant, je ferai bien des efforts pour passer mon certificat. Cela dit, Céline ne reste pas longtemps à Courbevoie, car ses parents s'installent, passage Choiseul, à côté de l'opéra. Mais Louis-Ferdinand Céline préfère quitter Fissa, le petit milieu bourgeois de son cocon familial, en devançant l'appel au service militaire en 1912. Comme ça, c'est parfait, il est déjà prêt quand éclate la Grande Guerre en 1914. Non, les pieds dans l'axe des épaules, le fusil pointé vers l'objectif avec la volonté de l'abattre. C'est la volonté qui dirige la balle. À mon commandement. Feu. Sergent, ben, je vise quoi? Le noir? Non. Le blanc, alors? Attention! Filou, pense à nous! Là! Demi-tour! 50 pompes! Il est exempté de tir. Quand les tambours ont cessé de rouler, les clairons de sonner, l'adjudant de gueuler, moi j'ai repris la route. Moi j'ai repris la blanche et belle grande route. Quand le soleil dans le ciel s'est pointé, ivre de liberté, sans savoir où aller, moi j'ai repris la route d'un petit pas léger. Oui, assurément, Céline reprend la route d'un petit pas léger après la boucherie mondiale, puisque c'est au bras et à l'épaule qu'il fut blessé, et non à la jambe. Et tout comme les élèves des écoles chrétiennes deviennent souvent des athées, le jeune soldat Louis Ferdinand est alors forcément pacifiste, faisant de son expérience militaire les pages savoureuses de son casse-pipe. Après-guerre, Louis Ferdinand s'installe à Rennes, où il devient le docteur Destouches. Il participe à quelques voyages initiatiques dans le cadre de la SDN, et notamment dans les usines Ford de Détroit aux States, puis il revient à Paris, rue du Faubourg-Montmartre, où celui qui est alors devenu Céline discute avec ses voisins de palier, comme nous le raconte Michel Bouju. Vers 1933, donc on l'a dit, rue du Faubourg-Montmartre, à Bellegance, a pour voisin de palier, ou aurait eu pour voisin de palier, un certain docteur Destouches. Et il leur arrive parfois de parler cinéma ensemble, tous les deux. Et il y a du reste dans le voyage, au bout de la nuit, quelques jugements plutôt raides sur le cinéma, entre guillemets, moyen d'évasion pour les pauvres et avachissement en fosse commune, capitonné, féerique, moite, ce sont les mots de Céline. Alors un matin donc, Gans frappe à la porte du docteur Destouches. Il est en robe de chambre, il a un livre à la main, et ce livre évidemment c'est « Le voyage au bout de la nuit ». « Il faut absolument lire ça », lui dit Gans, en montrant le livre sur lequel il a passé une nuit blanche. « C'est un chef-d'œuvre ». Le voisin le regarde un petit peu rigolard et lui dit « Louis Ferdinand Céline, c'est moi ». Alors, anecdote réelle ou apocryphe, peu importe. En tout cas, l'admiration entre les deux hommes était tout à fait réciproque. « Ne crachez pas sur votre œuvre », écrivait Céline à Abel Gans en 1938. « Il restera dans 100 ans bien plus de votre cinéma » que de mon gros tambour mortuaire. Vous avez remué des esprits que je ne toucherai jamais. Vous avez remué des esprits que je ne toucherai jamais. C'est sans doute là encore un manque de confiance de Céline pour ses contemporains. D'autant plus qu'en 1937, quand il publie Bagatelle pour un massacre, Céline commence à verser dans des sujets très en vogue à l'époque en Europe. Parle-moi encore des Juifs. Ça, c'est un sujet inépuisable, ça. C'est un sujet en or. Comment on peut les reconnaître? Je te l'ai déjà dit, ils sentent mauvais. Tu le reconnais au nez, ils ont les nez crochus là, en forme de hameçon. Là. Pourquoi faire? Pour attraper les billets. Parce que ça, pour attraper les billets, ils en connaissent un bout. Ils courent plus vite à la banque qu'au casse-pipe. Ils courent avec leurs pieds plats? Les pieds plats, c'est pour se faire réformer. Et après, ça ne les empêche pas de courir pour faire des affaires. À toi, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les Juifs, Pépé? À moi, rien. Il manquait plus que ça. Il manquerait plus que ça. L'antisémitisme de Céline est d'une violence inouïe et fait florès dans l'air nauséabond de l'époque. Le reportage qui suit, consacré à la librairie antisémite de l'exposition « Le Juif et la France », a été proposé aux auditeurs de Radio Paris le 16 février 1942. Alors, mademoiselle, je voudrais me documenter, quoi que je le sois déjà, quelque peu. Enfin, je voudrais compléter ma documentation et je vous demanderai de vouloir bien me signaler quelques ouvrages, n'est-ce pas, susceptibles, n'est-ce pas, de m'éclairer davantage sur un problème que je trouve absolument capital pour l'avenir de la France, n'est-ce pas. Les livres qui sont plus intéressants, c'est les livres de Louis Ferdinand Céline. Oui. J'ai la Bagatelle pour un massacre. Oui, j'ai lu celui-là. Oui. Les beaux draps. Les beaux draps. L'école des cadavres. Mademoiselle, je vous demande pardon d'interrompre. Je vous demande pardon, monsieur. Alors, ce qui se vend le mieux, c'est du Céline, si je puis dire. Le Céline, c'est ça, oui. Le Céline, la France juive, Édouard Rumeau. Toujours Édouard Rumeau. Ça, et toute ma collection de l'Institut. Faut faire attention lorsqu'on utilise les mots, le verbe du peuple, le parler de la rue. Parce que du beau peut jaillir la laideur absolue. Et, en effet, Céline est devenu un écrivain pas beau, voire monstrueux, voire dangereux, d'autant qu'il est bourré de talent, ce con. Alors, quand les Alliés débarque le 6 juin 1944, Céline comprend Fissa, qu'il doit faire ses bagages et s'embarquer pour l'Allemagne afin de se soustraire à l'esprit légitime de revanche à la libération. On va vous massacrer! Fais voir ce que t'as dans le ventre, nihiliste! Va te faire foutre! Oh, Walter, déconne pas, il a un sabre! Salopard qui coupe le doigt des femmes! Va te faire foutre! Va te faire foutre! Oh! Va te faire foutre! Va te faire foutre! Bah, tu vas prendre une boule dans la gueule, mec! Nihiliste de mes... Va te faire foutre! Te massacrer, va te faire foutre! Évidemment, Louis-Ferdinand Céline quitte la France quelques jours après le débarquement allié sur les plages de Normandie et il rejoint Sigmaringen, le dernier bastion des pétainistes à qui il offre ses services. Puis c'est l'exil au Danemark où il est emprisonné et frappé par les tribunaux de la libération d'indignité nationale. Céline doit attendre 1951 pour être amnistié et c'est à Meudon où il s'installe que Céline poursuit son travail d'écrivain jusqu'à sa mort en 1961. Une vie complexe qui fascine par son génie littéraire et qui dégoûte par ses prises de position. Alors maintenant, comme à chaque fois, après une enquête pointue de nos services, notre laboratoire expérimental estime donc que le comportement de M. Céline demeure une menace pour notre société. Mais pour éviter toute erreur clinique, le ministère psychique blinde ses expertises. Ainsi ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir ce dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait pour ainsi dire obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Professeur Colin, ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit. Rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin lui aussi, un camarade. L'auteur de ces lignes, c'est Céline, et ces lignes sont les premières du voyage au bout de la nuit. Car pour comprendre ces lignes, il faut en effet remonter dans la nuit des temps. Louis-Ferdinand Destouches, quand il touche à la littérature, prend un nom d'emprunt qu'il construit avec le prénom de sa grand-mère, Céline. L'argotier Céline a donc pris le prénom de sa grand-daronne pour construire son nom. Bel hommage et joli prénom que l'on doit en partie à Céline de Lan, Sainte Céline, qui est surtout réputée pour avoir enfanté le petit Rémi. Le pseudo Fortunate nous raconte que Céline était issue d'une famille noble et qu'elle a épousé le comte de Lan, Émilius, dit Mimile dans le civil. C'est âgé que Céline a mis au monde Rémi, l'enfant inattendu, le futur Saint Rémi, qui a réussi à la fin du 5e siècle à convertir Clovis, qu'il baptisa, en même temps que 3000 francs, ce qui, aujourd'hui, équivaut tout de même à 457 euros. Très bien, et surtout bien mieux que les 200 euros d'augmentation qu'ont obtenu avec gloire les Guadeloupéens et les Martiniquais sans remords et sans crédit. Cette volonté farouche de Saint-Rémy de plonger ses contemporains dans des liquides est sans doute le pendant de la crainte de Sainte-Céline de perdre les eaux, elle qui eut un enfant sur le tard. Et d'ailleurs, ce souci de l'eau qui lave, on le retrouve dans le premier écrit de Louis-Ferdinand Céline en 1924, quand il consacre sa thèse de médecine à Ignace Philippe Semmelweis. Semmelweis était un médecin viennois, en Autriche-Hongrie donc. En 1846, il fut nommé chef de clinique dans un service d'obstétrique où le taux de mortalité maternelle était de 13%, beaucoup plus que partout ailleurs. Alors Semmelweis observe, analyse et conclut que la mortalité élevée dans son hôpital vient du fait que les médecins transportent des germes invisibles en passant directement des salles de dissection aux salles d'accouchement. Pour lui, la solution est évidente, il suffit tout simplement de se laver les mains pour faire diminuer ce taux de mortalité. Mais hélas, ses collègues ne sont pas prêts à comprendre l'essentiel de la simplicité. Semmelweis est moqué, critiqué et même révoqué. Le pauvre homme meurt fou en 1865, lui qui avait tout compris de l'asepsie et qui ne fut jamais écouté. De quoi conforter le mépris célinien pour l'homme ? De quoi aussi mieux comprendre son refus d'amour pour l'humanité et sans doute de mieux saisir cette sentence absolue gravée dans Voyage au bout de la nuit ? L'amour, c'est l'infini à la portée des caniches. Excellent, professeur Mauduit. Je pense qu'après cette analyse comportementale globale, nous en savons un peu plus sur la dangerosité de notre patient, horrible bonhomme, mais génie littéraire. Cela dit, le ministère psychique traque la vérité, la sienne. L'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera à trifouiller les déviances comportementales de notre patient, cet écrivain essentiel dont toutes les œuvres ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Si lentement mes mains te pensent, mes yeux te parlent, nos corps s'installent. Si patiemment je te dévoile mes gestes lents et détestables. Le souffle court de mes efforts crie nos erreurs, nos réconforts. Et comme tu plies, je pleure encore. Et comme tu vis, je serre plus fort. C'est ce que tient ici ce matin Joseph d'Anvers. Quant à nous, auscultons immédiatement le ventre du mémento sélinien. Trifouiller la face cachée du patient, telle est la mission du ministère psychique. Après avoir revisité sa construction mentale, l'équipe du professeur Collin poursuit son analyse et tente maintenant d'explorer les aspérités refoulées chez le patient. Alors maintenant, après avoir découvert les grandes étapes existentielles qui ont façonné la redoutable structure mentale de notre patient littéraire, il est temps néanmoins, me semble-t-il, de nous intéresser dès à présent plus spécifiquement à la vocation première chez Louis-Ferdinand Céline et à partir de laquelle on peut essayer d'analyser certaines caractéristiques de son œuvre écrite. Vois-tu, juste après la guerre de 14, notre patient potasse ses humanités et il décroche son baccalauréat en 1919. Puis il poursuit des études supérieures jusqu'en 1924 pour embrasser la carrière de ceux qu'il considérait comme des magiciens lorsqu'il était môme. Moi j'ai commencé dans la médecine et je voulais de la médecine. Je voulais certainement pas de littérature, au nom de Dieu, non. Dans votre enfance, vous n'imaginiez pas... Oh, pas du tout. Oh non, non, non, j'avais l'admiration énorme pour les médecins. Ah, ça me paraissait extraordinaire. Appelez-moi docteur. Répondez-moi oui docteur ou non docteur. Oui docteur. Voici donc le texte de l'annonce. Je suis habitué aux écritures, mais je préfère que vous me le lisiez une première fois. Bien, bien. Le docteur Knock, successeur du docteur Parpalais, présente ses compliments à la population de la ville et du canton et a l'honneur de lui faire connaître que dans un esprit philanthropique... Et philanthropique. Ah. Il donnera tous les lundis matins, de 9h30 à 11h30, une consultation entièrement gratuite, réservée aux habitants du canton. Eh ben, c'est une belle idée. Oui, contemporain du docteur Knock, inventé par Jules Romain, Louis-Ferdinand Céline ouvrit un cabinet de médecine en banlieue parisienne et, tout comme le Toubib, interprété par Louis Jouvet, notre patient dispensait gratuitement des soins aux habitants pauvres de Meudon. Cela dit, très vite, Céline découvrit à son grand désespoir que le statut social de cette profession, notamment au niveau local, commençait déjà tout doucement à décliner. C'est alors qu'il prit la décision de se faire embaucher à Genève par la fondation Rockefeller qui subventionnait un poste à l'Institut d'hygiène de la SDN. C'est à cette époque que notre patient entreprit de nombreux voyages d'observation à l'étranger sur les conditions sanitaires des usines et durant lesquels il prit des notes puis rédigea quelques articles où pointait déjà le style célinien entre humour et désespoir soutenu par une terrible lucidité anatomique, justement. Toujours chez lui, la valeur, comment dirais-je, de la semence spermatique, n'est-ce pas, de l'écriture qui est jetée comme ça, disséminée sur la page, n'est-ce pas, et la valeur excrémentielle, et je crois qu'il est un des premiers à avoir montré que l'écriture avait une généalogie, où la position anale, le côté barbouillé, n'est-ce pas, comme ça, est certainement très important. Ça, la valeur excrémentielle du langage, c'est dit, n'est-ce pas, idéalisée, bien entendu, n'est-ce pas, et la très grande, oui, c'est sûr. Drôle d'écrivain Toubib, dont le langage littéraire avait une indéniable dimension excrémentielle. Ensuite, sache qu'à l'aube des années 30, Céline décida de revenir s'établir en France après ses multiples voyages pour le compte de la Société des Nations afin d'exercer sa profession libérale au dispensaire de Clichy où il effectuait 4 vacations de 2 heures par semaine pendant lesquelles il recevait ses patients et qui venaient le consulter pour des problèmes de santé récurrents et familiers pour le docteur Destouches. Je comprends pas avec tout ce qu'on fait maintenant qu'on ait encore pas trouvé quelque chose. Remarquez cette famille, hein, ma mère déjà était constipée. Je crois bien que ma fille aussi. Alors, elle veut pas le dire, mais je la connais. Bien, vous allez essayer ça. Qu'est-ce que vous marquez là? Du laxogène tribus muté. J'en étais sûre, c'est pas la peine, je connais, ça me fait encore moins que le reste alors. Bon alors, de l'huile paraffine ou pruneau? Pareil. Non, moi, la seule chose qu'il me fallait, c'est le de Selmol. Alors, je sais, on dit que ça donne le cancer. Sauf que si c'était si mauvais que ça, et bien, on pourrait pas en acheter. Puis, constipé à longueur d'année, c'est pas une vie non plus. Des Selmol, 3 fois par jour, pendant 6 mois. Et à part ça, ça va? Oui, encore une histoire de mécanique intestinale dans le cabinet du docteur Louis Ferdinand. Mais c'est ainsi que l'on peut comprendre en partie l'œuvre de Céline, car pour lui, il s'agissait de décrire le monde sous la forme d'un gant, mais un gant que l'on aurait retourné et dont on verrait l'intérieur putréfié, un peu comme une éviscération où nous nous retrouvons face à la pourriture et sa mise en évidence. Mais alors, comment le docteur Destouches, pseudo-proctologue, est-il devenu l'écrivain Céline? Eh bien, c'est à force de dialoguer avec ses collègues médecins du dispensaire de Clichy qu'il s'est aperçu, peu avant 1932, qu'il avait un don merveilleux pour décrire le monde. Est-ce que vous savez à quoi on reconnaît un gros con de droite d'un gros con de gauche? Non. Quand vous chiez. Vous avez beau chier proprement, tirer la chasse et tout. Très souvent, dans la cuvette, il y a de la merde qui reste. Collée. Oui. Bon. Cette merde qui reste. Collée. Qu'est-ce qu'il en fait, le mec de gauche? Il la nettoie. Il prend le balai à chiottes, il la fait disparaître. Alors que le gros con de droite, qu'est-ce qu'il fait? Le gros con de droite, il laisse sa merde et il se débine. Il s'en occupe même pas. Il y a des gens payés pour ça, des gens qui passent derrière. Voilà une manière toute célinienne et anatomique offerte à chacun pour trouver sa place sur l'échiquier politique. Et c'est ainsi que ces considérations politico-médicales ont poussé notre patient à se lancer telle une éructation dans l'écriture de son premier ouvrage, qui fut un chef-d'œuvre, le célèbre Voyage au bout de la nuit, avec sa sublime arrivée à New York. C'était pour ma tranquillité que j'ai écrit le Voyage au bout de la nuit. Et certainement pas ce qui est arrivé, le contraire. Donc, à ma grande surprise, et elles dureront encore, figurez-vous. Pour une surprise, c'en fut une. À travers la brume, c'était tellement étonnant ce qu'on découvrait soudain que nous nous refusâmes d'abord à y croire. Et puis tout de même, quand nous fûmes en plein devant les choses, tout galérien qu'on était... Comment tu t'appelles ? Vito Andolini, natif de Corleone. Corleone, Vito Corleone. Ça va, à la visite. On s'est mis à bien rigoler en voyant ça, droit devant nous. Figurez-vous qu'elle était debout, leur ville, absolument droite. New York, c'est une ville debout. J'ai vu New York USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut New York USA. On en avait déjà vu, nous, des villes, bien sûr, et des belles encore, et des ports, et des fameux même. Mais chez nous, n'est-ce pas, elles sont couchées, les villes, au bord de la mer ou sur les fleuves. Elles s'allongent sur le paysage, elles attendent le voyageur, tandis que celle-là, l'américaine, elle ne se pâmait pas, non. Elle se tenait bien raide, là, pas baisante du tout, raide à faire peur. Eh ben je le verrai, New York. C'est building, c'est lumière, c'est pin-up, c'est pas verrue. J'arrive, les copains. New York, elle se tenait bien raide, là, pas baisante du tout, raide à faire peur. Voilà un style littéraire révolutionnaire, où s'entrechoquent les rythmes et les sonorités dans ce que Céline appelait lui-même sa petite musique. Mais alors, où cet énergumène bon sang, Toubib à la base, est allé chercher sa géniale inspiration? Eh bien, au bout de la nuit, justement, et d'ailleurs, nous allons découvrir dès à présent, par le truchement d'une enquête pointue produite par l'interne psychédélique du ministère psychique, Mademoiselle Claire-Sophie Collet, que Louis-Ferdinand Céline naviguait entre le rêve, le cauchemar et la réalité. Alors, cher professeur Mauduit, veuillez appeler l'interne et découvrons ensemble l'océan nocturne célinien. L'interne ! Pointez vos au labo ! Point de suspension ! Allez, hop ! Démonstration ! Point d'exclamation ! That's the radio. Now, wait a minute. Do you realize what you're saying? Alors, Colin, mon petit frère... professeur, pardon. Le déglingo du jour serait donc l'écrivain Louis-Ferdinand Céline. Eh bien, sachez que pour ce dossier nébuleux, j'ai dû effectuer un petit voyage au cœur des nuits céliniennes pour déceler la pathologie du patient, qui, cloîtré chez lui à Meudon avec sa femme et ses chiens, ne risquait pas d'avoir un emploi du temps overbooké. À 6 heures, il se levait et se mettait à son bureau de 6 heures du matin à 2 heures de l'après-midi. À 2 heures de l'après-midi, il était complètement effondré de fatigue. Cet homme vivait dans un océan de fatigue. Il demandait à sa femme de se coucher avec lui à 7 heures du soir. Et lui essayait de trouver le sommeil assis sur son lit à côté d'elle, qui ne dormait pas parce que c'était trop tôt. Levé à 6 heures et couché à 19 heures, Céline passait presque la moitié de sa journée à pioncer comme un gros flan. Mais si Céline dormait beaucoup à la fin de sa vie car épuisée d'écrire, ses excès de sommeil étaient avant tout les conséquences d'une réelle maladie. Votre fils est en proie à des crises de sommeil intempestives. En fait, votre fils est victime d'une ultrasensibilité nerveuse, affective, bref, émotionnelle. Et cette ultrasensibilité le plonge dans un profond sommeil instantané. Il sombre aux réactions fortes. Enfin, le problème est bien plus grave puisque le sujet malade n'a pas de logique. Votre fils, toute sa vie, va s'endormir comme ça, pour un oui et pour un non. Contraint d'enchaîner sieste et roupillon, Céline ne resta tout de même pas inactif. Et ses escapades oniriques devinrent rapidement une source inépuisable de récits qu'il ne manquait pas de faire revivre à ses proches. Oh, j'ai fait un drôle de rêve cette nuit. On était tous là comme ça autour d'une table. Moi, j'avais un gros poisson dans la main. Et je donnais des couches sur la tête de maman avec, mais c'est avec le poisson. Ouais. Du poisson? Ouais. Mais c'est très bon, ça. C'est de l'argent? Mais tu vas gagner de l'argent. Ah, ah. Ah bon? Alors là, il ne fallait pas lui répéter deux fois. Car pour un pingre comme Céline, toute source potentielle de rendement financier était bonne à exploiter. Ainsi, Céline trouva rapidement une astuce pour tirer le maximum de bénéfices de ses délires inconscients. Un matin, en me réveillant après une nuit de beuvre, je me suis rendu compte que dans la nuit, j'avais écrit. Le psychiatre m'a expliqué que subconscience libérée dans mon sommeil, hop, et que j'écrivais comme dans une crise de somnolibis. Oh, vous êtes vraiment un artiste, vous. Oui, les rêves de Céline et ses voyages nocturnes ont généré des chefs-d'œuvre incontournables. Mais d'autres phases de sommeil, beaucoup plus paradoxales, sont aujourd'hui encore de véritables cauchemars. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Et je serais parvenu tout de même à passer à travers la plus grande chasse à courre qu'on ait organisée dans l'histoire. C'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Je n'ai renié rien du tout. Je ne change pas d'opinion du tout. Je mets simplement un petit doute. Mais il faudrait qu'on me prouve que je me suis trompé. Et pas moi que j'ai raison. Non, mais ça ne va plus du tout, Louis-Ferdinand Céline. Je m'excuse. On s'énerve vite quand on parle de Céline. On se met vite en colère, mais il y a de quoi. Il y a des motifs, comme dirait Céline. Thank you, Mr. Taylor. Bien, le professeur Mauduit et moi-même remercions l'interne joyeusement déjanté du ministère psychique pour cette divagation onirique célinienne qui nous démontre ce matin combien son écriture automatique était bien plus rance que celle des surréalistes qui, eux aussi, vois-tu, tout comme Céline, avaient choisi de mettre en avant l'absurdité du monde après la guerre de 14, mais sans pour autant sombrer dans le tout moisi. Alors, devant son ignoble antisémitisme, renvoyons Céline dans sa piôle auprès de sa femme, la danseuse Lucette Almanzor. Et tandis que Louis-Ferdinand Céline retourne à sa solitude pleine de fureur et de vision, juste au-dessus de sa tête, au premier étage, où il n'est jamais monté, toute la journée, les élèves de Lucette Almanzor dansent. Et les gens dansent jusqu'au bout de la nuit, des flashs en musique funky. Il y a la basse qui frappe et la guitare qui choque. Il y a le batteur qui s'éclate et toi qui tiens le choc. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, tapes, tapes, c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, tapes, tapes, c'est ta façon d'aimer. Bien. Alors, après avoir saisi à l'instant ce que signifie l'incompatibilité célinienne avec la modernité, car franchement, on imagine assez mal Céline se trémousser, il est temps désormais d'entamer l'ultime partie de notre analyse qui consiste bien entendu à repérer les influences de notre patient dans notre société post-moderne, justement. Et, avant tout, c'est une tradition ministérielle. Amorçons une nouvelle fois notre étude pseudo-psychanalytique par une efficiente approche jungienne. Ainsi, le spécialiste jungien du ministère psychique, autrement dit un technicien de l'inconscient collectif, le frappadingue docteur Yvan Beaujolais, a tenté ces derniers jours d'expertiser les échos de notre scribouillard pacifiste au cœur de notre histoire récente. Alors, cher professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien et découvrons attentivement cette fable étrange que nous avons intitulée « Voyage au bout de la nuit apocalyptique », une super production célinienne avec Martin Sheen, Michel Simon, George W. et forcément Louis Ferdinand. L'expert jungien, pointez-vous au labo, analyse! D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, etc. On sait qu'on ne peut plus tenir cette position. En fin de compte, on obtient toujours ce qu'on veut. Moi, je voulais une mission. Et pour mes péchés, ils m'en ont donné une. Elle était gratinée, la mission. Après celle-là, je n'en voudrais plus jamais d'autre. Avec Céline, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Tout est toujours à prendre avec précaution, hein, dans ses propos, parce que y a une part de jeu et de stratégie. Justement, la guerre approchait de nous deux sans qu'on s'en soit rendu compte. Et je n'avais plus la tête très solide. Bonsoir à tous, merci de votre attention et bienvenue pour cette édition spéciale consacrée évidemment à l'Irak. La guerre a commencé la nuit dernière. Vous l'avez suivi avec nous. C'est quelqu'un qui ne cessera de dire que son œuvre n'est pas une œuvre à idées. Et en même temps, en permanence, on a ces phrases très sentencieuses, très définitives. On longeait la côte à bord d'un aviso de la marine. Une espèce de grosse vedette en plastique comme on en voyait souvent patrouiller sur les rivières. Il n'y avait que des mômes dans l'équipage. On est en bas dans les cales à souffler de la gueule, puant, sointant des rouspignoles. Et puis voilà, en haut sur le pont au frais, il y a les maîtres qui s'en font pas avec des belles femmes roses et gonflées de partout sur les genoux. Qu'est-ce qui se passe? J'ai horreur de ça. Chaque fois que je l'entends, il y a une catastrophe. Ils sont là? Il va arriver une catastrophe. Ça fume! My fellow citizens, mes chers compatriotes, at this hour, alors qu'il est, les forces américaines et de la coalition sont engagées dans les premières phases d'opérations militaires pour désarmer l'Irak, libérer son peuple et protéger le monde d'un grave danger. On nous fait monter sur le pont, alors ils mettent leur chapeau haut de forme et puis ils nous en mettent un bon coup de la gueule comme ça. Bande de charognes, c'est la guerre qu'ils font. Mais d'abord, il y a trois quarts d'heure, ces nouveaux bombardements sur Bagdad. Premières images commentées par Martin Gouès. Bagdad, de nouveau sous les bombes. À présent, j'étais pris dans cette fuite en masse, vers le meurtre en commun, vers le feu. Ça venait des profondeurs, c'était arrivé. I want Americans and all the world to know. Je veux que les Américains et le monde entier sachent que les forces de la coalition feront tout pour épargner les civils innocents. Et j'ai dû céder à une immense envie de vomir. Ah, et pas qu'un peu. Jusqu'à l'évanouissement. J'ai dû céder à une immense envie de vomir, et pas qu'un peu, jusqu'à l'évanouissement. Assurément, cette phrase extraite du Voyage au bout de la nuit nous en dit long sur l'écœurement de Louis-Ferdinand Céline face aux atrocités de la guerre et pour laquelle d'ailleurs il préconisait la lâcheté en réponse à l'absurdité du soi-disant héroïsme que le soldat se doit d'accomplir. Certes, cela dit, la nausée célinienne évoquée dans ces quelques mots pourrait tout aussi bien s'appliquer à Céline lui-même lorsque tu lis Bagatelle pour un massacre, par exemple. Car il suffit d'en citer quelques lignes, que voici. Il n'aime pas les juifs, Hitler. Moi non plus. Il n'y a pas de quoi se frapper pour si peu. Ce n'est pas un crime qui vous répugne. Pour ressentir immédiatement une immense envie de vomir, et pas qu'un peu, jusqu'à l'évanouissement. Alors, bon, tu pourrais nous dire qu'on insiste beaucoup ce matin sur l'antisémitisme célinien. D'accord. Sauf que, franchement, faudrait bien que tout le monde imprime dans sa mémoire vive, que parfois, si certains ouvrages de littérature ont un titre séduisant, il faut bien savoir ce qu'il y a dedans. Sinon, ça dérape, comme il y a 10 ans. Louis-Ferdinand Céline est mort en 1961 à Meudon, mais près de 40 ans après sa disparition, le romancier fait encore scandale. Son ouvrage le plus sulfureux, Bagatelle pour un massacre, écrit en 1937, revient à la une de l'actualité. Ce livre, qui est un véritable pamphlet antisémite, s'est retrouvé dans le Nord sur une photo publicitaire vantant les mérites des marques de whisky vendues par l'hypermarché Auchan. Le magasin a d'ailleurs porté plainte contre X. On peut être un bon publicitaire et avoir des lacunes littéraires. Tout le problème est de savoir si l'apparition de ce livre maudit est, ou non, le fruit du hasard, Michel Benoît. Le titre du livre « Bagatelle pour un massacre » de Céline apparaît clairement sur la reliure de l'ouvrage à l'arrière-plan de la bouteille de whisky. Il n'y a pas de doute possible. Auchan se déclare scandalisé par cette photo et reconnaît un manque de vigilance. L'enseigne d'hypermarché a porté plainte contre X le 20 octobre dernier. Il faut savoir qu'Auchan sous-traite sa publicité auprès d'agences. Ce serait une photographe suédoise qui aurait réalisé cette photo sans connaître le contenu du livre. Eh ben voilà, « Bagatelle pour un massacre », ok, c'est classe comme titre, il y a du style. Mais dedans, c'est tout pourri. Et il vaut mieux le savoir, n'est-ce pas? Alors, évidemment, depuis le début de notre séance, franchement, on tourne en rond. Car avec notre patient, la problématique demeure toujours la même, insoluble. Céline, ignoble génie, créateur d'une littérature fulgurante, mais parfois infréquentable. Néanmoins, nous avons décidé ce matin de nous offrir une ultime chance de percer le mystère célinien, et pour ce faire, nous avons réclamé l'intervention d'une tierce personne, une jeune femme séduisante, Mademoiselle Nelly. Emmanuel de son prénom, qui va tenter de faire cracher la pilule à M. Céline, qui s'est vautré sur le canapé du ministère. Vous voulez qu'on commence ? J'avoue que je serai content quand je mourrai. Je vous écoute. Voilà, la vérité, c'est que je me désire mourir de façon la moins douloureuse possible. J'ai l'impression que c'est un peu répétitif. Je suis un pauvre travailleur, n'est-ce pas ? Comme disait Descartes, je n'ai pas plus de génie que les autres, mais j'ai plus de méthode, n'est-ce pas ? Moi, j'en ai qu'une méthode, c'est de prendre l'objet et puis de le fignoler. Peut-être que vous compliquez. Eh bien, c'est que je travaille et que les autres foutent rien. Voilà exactement ce que je pense. Vous voulez que je vous masse ? Pareil, je suis efficace. Oh putain, maintenant, voyons, ça serait un soulagement. Le mieux, ce serait que vous retiriez votre veste et votre chemise et que vous allongiez sur le divan. Ah, je te rappelle d'une chose. C'est que chez nous, on bouffait des nouilles. On bouffait des nouilles, pourquoi ? Parce que la nouille est le seul aliment qui peut se faire et qui n'a pas d'odeur. Car la dentelle, et surtout la dentelle ancienne, retient les odeurs. Par conséquent, j'ai vécu dans la panique de l'odeur. Donc il n'était pas question ni de viande, ni de poisson, ni de rien. La nouille. Pourquoi vous me racontez tout ça ? Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas. Bon, écoutez, je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête, qu'on laisse un peu reposer la chose. Si vous êtes fatigué, bon. Et il y a des milliers d'écrivains, ce sont des pauvres cavouilleux, des aptères, n'est-ce pas ? Ils rampent dans les phrases, ils répètent ce que l'autre a dit, ou ils choisissent une histoire, ils prennent une bonne histoire, puis ils disent « je vois, tu vois », etc. C'est pas intéressant. C'est lamentable ce que vous dites. N'oubliez pas une chose, c'est que la vraie inspiratrice, c'est la mort. Vous allez arrêter ? Vous vous prenez pour qui ? Encore une autre, donne-nous encore une, hein, dis-nous, je t'en prie. Ah, encore une, ah, j'en veux une, ah, mais en a une bonne. Bon, ça, c'est de la connerie. Vous m'emmerdez ! Vous vous plaignez tout, de moi, de votre bouquin qui est pas assez bien. Mais je suis pas une poubelle, je suis pas là pour écouter les lamentations d'un vieux con ! Non, non, ça, je m'en fous énormément. Je ne m'intéresse pas aux hommes, je m'intéresse aux choses, n'est-ce pas ? Soyez pas de mauvaise foi. Je n'aime pas ce qui est commun, n'est-ce pas, ce qui est vulgaire. Je veux dire qu'une prison est une chose distinguée, parce que l'homme y souffre, n'est-ce pas ? Tandis que la fête à Neuilly est une chose très vulgaire, parce que l'homme s'y réjouit. C'est ainsi la condition humaine. Vous avez l'air ailleurs. Si vous voulez, on s'arrête. Oh ben, au revoir et merci. Et ça suffit, oui. Oh, doucement, je ne vous veux aucun mal, mais j'ai manqué d'égoïsme. C'est assez rare, parce que le monde en est plein. N'est-ce pas ? Non, c'est moi qui étais lamentable. Bon, eh bien, Mademoiselle Nelly, elle aussi, aura échoué dans sa tentative d'exonérer totalement Louis-Ferdinand Céline. Encore que, par moments, il s'est ici révélé touchant dans sa faiblesse d'un homme sur la fin de sa vie. Mais la vieillesse ne doit jamais être une excuse. Enfin bref, pour en finir maintenant avec les résurgences contemporaines de notre patient polémique, restons au sein du ministère où l'un de nos pensionnaires à vie, toujours le même et trépané deux fois, que nous appelons ici long corps chétif, t'offre à son tour ce matin ces divagations schizophréniques céliniennes. Alors, comme d'habitude, c'est complètement absurde et sans aucun doute frappadingue, mais bon, c'est la tradition. Les malades ont la parole ! Wouh ! Yeah ! Wouh ! Ouais, je t'aime bien, Louis-Ferdinand Céline. T'as un prénom de roi et tu te trimbales comme un clodo. Et t'as la tête farcie d'idées crado. Allez, viens t'asseoir sur ma poubelle. Mais attention ici, il y a le tri sélectif. D'un côté, un bac à bouteilles de pinard pour les anards. Un autre pour le fer et les plastiques réservés aux caustiques. Et enfin, un bac pour le biodégradable pour les détestables. Allez, prends un siège de Céline. L'homme hostile pour certains, l'homme hostile pour les autres. Toi, t'aimes personne, même pas Paul Gut. Pourtant, il est sympa, Polo. Il rit tout le temps, même quand il se brûle. Toi, t'es triste, t'es trop misanthrope. Et pas assez misanthrope, la boum. Merci quand même pour ton bel hommage à la Bretagne, avec ton voyage au bout de la nuit. Car que faut-il pour bien voyager la nuit ? Il faut de bons phares, parti ! Et les meilleurs phares, c'est les phares bretons ! Ah ah, je suis trop con, hein ! Il y a aussi le coup miam miam, mais j'ai pas pu le placer parce que c'est un peu lourd. Il arrive. Mais bon quand même ! Oh mais bon, je fais le coup miam miam ! Oh mais miam miam, miam miam ! Ouais ! Ouais ! Rue des airs, dernière cigarette, plus rien ne bouge. Juste un bas, éclaire le trottoir d'un néon rouge. J'ai besoin de trouver quelqu'un, je veux pas dormir. Ce sont ceux qui hantaient le groupe Image en 1986, alors que nous, c'est le démon de Céline qui nous hante encore aujourd'hui. Mais il est complètement fou, ce mec! Mais moi, les dingues, je les soigne. Je m'en vais lui faire une ordonnance. Et une sévère. Nous voici donc arrivés au terme de nos pérégrinations psychologiques. Et le ministère psychique reste fasciné par la figure ambiguë de Louis-Ferdinand Céline, un ponte de la littérature et qui n'est pas vraiment célèbre pour le plaisir qu'il prit à la vie, alors que pourtant... Mais non, Céline, ta vie n'est pas perdue. Nous sommes les enfants que tu n'as jamais eus. Il y a longtemps que je le savais. Mais si, Céline, tu as rendu heureux tous tes lecteurs et toutes tes lectrices. En tout cas, tu as contribué à leur construction mentale. Et donc, malgré tes dérives nauséabondes, le ministère psychique décide de te libérer. Allez, hop ! Céline, c'est l'heure, c'est la quille ! Ce fut un cas psychique difficile pour le ministère. Mais, qu'en sera-t-il la prochaine fois ? Voilà, c'est la fin de la 32e consultation déjantée du ministère psychique, consacrée ce matin à un râleur hargneux et génial, Louis-Ferdinand Céline. Xavier Mauduit, notre co-auteur, et moi-même remercions chaleureusement toute l'équipe du ministère psychique, le maestro Marco Mutel aux manettes, merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui à la technique d'Arnaud Chapat, merci beaucoup Arnaud, c'était parfait. Mais aussi merci beaucoup à Flora Bernard, Yvan Beaujolais et Claire-Sophie Collet pour la préparation de l'émission, Thierry Dupin pour la programmation musicale, Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires, Julien Dugast, notre voix off, et Elsa Denac, notre stagiaire, sans oublier bien sûr les formidables documentalistes de l'INA. Pour toutes les informations supplémentaires, le ministère psychique possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez, je l'espère, télécharger l'émission dans quelques instants pour une balado-diffusion. Sachez enfin, chers amis, que la semaine prochaine, après Céline, le ministère psychique reste dans la féminité, car nous recevons Sarah Bernard, plus proche de l'aiglon que de l'ermite. En attendant, nous nous retrouvons dès demain matin à 11h et en direct sur France Inter pour un nouvel épisode de La Panique au Mangin Palace. Nous vous attendons nombreux et joyeux. Dans l'immédiat, vous avez rendez-vous avec Philippe Meyer. Pour la prochaine fois, je vous le chanterai. Rendez-vous donc demain matin à 11h et en direct. Prenez soin de vous, mais d'ici là, libérez votre folie. Ciao. Mais ça alors, comment peut-on confondre un psychopathe avec une personne qui est saine d'esprit ?